Le Chevalier de Saint-Georges de Roger de Beauvoir, tome 3e. Chapitre 1er. La toilette. Jasmin. Monsieur le Chevalier. Ouvre ces rideaux et pousse les volets. Il doit être midi sonné. Avec votre permission, monsieur le Chevalier, il est 2 heures. Le carrosse de madame la marquise de Montesson doit vous prendre à 3 pour la course. Bruno, votre perruquier est là. C'est bien qu'il attende. Tu as parbleu raison, 2 heures à ma montre. Je serai rentré tard du souper de monsieur le duc de Chartres. Je crois, Dieu me pardonne, Jasmin, que j'y ai oublié ma raison et ma tabatière. C'est une de mes bottes d'été, Jasmin, celle de madame Dugazon. Tu n'oublieras pas de la faire demander à Dauphin, le premier laquais. Quand on possède, comme monsieur le chevalier, 300 bottes et autant de bagues, ajoute autant de maîtresses, Jasmin, dit monsieur Devanne, qui entrait sur la pointe du pied dans ses demi-ténèbres pendant que le valet de chambre faisait claquer en les ouvrant les persiennes matelassées de l'appartement. Le bruit de la rue Saint-Honoré ne tarda pas à l'envahir, de sorte que le visiteur fut quelques secondes à considérer lui-même, avec un recueillement contemplatif, la pièce que le soleil venait d'éclairer si brusquement. C'était une charmante chambre, ma foi, tendue en damas de 3 couleurs, ce qui lui donnait dès l'abord un air d'arc-en-ciel des plus galants. Les trumeaux et les frises offraient partout à l'œil des guirlandes de roses pompons balancées par des génies aux torches renversées. Ici, des bergères, la bouche en cœur, sous des berceaux treillisés de barreaux verts, tenant de la main gauche le coin de leur jupe, garnis de falbala et de quilles, comme si les violons de l'opéra eussent attendu leurs ordres sous la feuillée de quelques bosquets voisins. Là, des sapajous, des hérons et des pélicans roses à l'infini. Il y avait des chiffres et des cœurs entrelacés, des carquois et des arcs d'or brunis, puis, sur le plafond, le char de Vénus mené par M. Cupidon, son fils, avec des moustaches, un manchon et des bottes fortes. Les diverses allégories mignonnement éparses dans cette chambre à coucher, qui faisait partie d'un hôtel situé au milieu de la rue Saint-Honoré, en deçà du Palais Royal, ne paraissait guère cependant le fait de son locataire actuel, car leur harmonie était visiblement contrariée par de bizarres dissonances. Ainsi, loin de chercher à faire valoir les grâces coquettes de cet appartement, concédé sans doute par quelque fermier général au caprice exigeant d'une danseuse, celui qui l'occupait ne s'était guère embarrassé que d'une chose, d'y loger à l'aise ses fantaisies et ses goûts familiers. Près de la glace et sur un panneau semé de déesses à l'avant de l'eau, pendait une paire de fleurets. Ici, des patins, un violon entouré de serge. Plus loin, une sabate agréablement croisée avec un bâton de maître bâtonniste, ça et là, des trompes attachées à la tenture, puis, à côté du lit d'étoffe cerise, un grand fouet, mais un fouet royal, car le manche était incrusté de pierreries. Sur la cheminée, dont les gorges de marbre et les pieds de biche se découpaient en saillie au grand soleil, reposait une liasse de papier de musique, à côté d'un bilboquet, et le buste en biscuit de l'acteur Jeannot placé en regard de celui de Voltaire. En revanche, il y avait un grand soin et une régularité excessive dans chaque objet de la toilette, dont la plus petite pince était en or. Son fini, son précieux, dépassait une recherche féminine. Plusieurs coffrets élégants en velours bleu de ciel doublé d'émail, des pâtes contenues dans des flacons transparents, le doux esprit des fleurs s'échappant des casselottes entrouvertes, des brosses diverses en vernis martin, merveilleusement montées, des cachets exquis sortant de l'atelier de Jolifray, le parfumeur, tel était le principal aspect de la toilette. Sur le sofa, une garniture rayonnante de boutons de strass, le jabot de point d'Angleterre, l'habit de velours ponceau, les manchettes et l'épée de Tonkin ciselée d'or. Pour la veste, elle était de satin blanc, avec des nids d'oiseaux brodés sur les poches, la culotte de velours gris de perles, les bas de soie à coins d'or, les souliers à talons rouges. Sur un petit guéridon en bois de rose près du lit, on voyait des portraits entourés de diamants, dont un agréable se serait paré jusqu'au coude, des tabatières et plusieurs montres à chaîne guillochée, si bien qu'en pénétrant ce galant sanctuaire, on ne pouvait s'empêcher de s'écrier « C'est un grand seigneur !» Monsieur Devanne, dont l'uniforme assez mûr de lieutenant de dragon contrastait avec ce luxe, examinait la chambre avec un sentiment secret d'envie quand le chevalier s'écria « Eh bien, mon cher, direz-vous que je suis long à me lever ?» Il avait sauté du lit avec une prestesse incroyable et se développait, à l'œil ébloui du lieutenant, dans tout le majestueux relief de sa stature. Vêtu d'une longue robe de chambre, ou plutôt d'un peignoir de soie verte à fleurs d'argent, dont Jasmin venait de le draper en un clin d'œil, le chevalier tendait la main à M. Devannes. Cette main était noire et ornée de bagues prodigieusement hautes qui avaient l'air de vouloir en dissimuler les jointures. « Qui me procure l'honneur de vous voir ce matin, mon cher Devannes? Auriez-vous une affaire? Puis-je vous être bon à quelque chose ?»« Je viens, mon cher Saint-Georges, prendre de vous non pas une leçon d'escrime, mais une leçon de bonheur pour ma journée. »« Oui, » continua M. Devannes, d'un ton qu'il voulait rendre frivole, mais qui n'était que gêné. « Il est de l'état d'un homme à la mode de savoir parier à coup sûr, et comme je vais de Spa aux courses de Vincennes, je viens apprendre de vous quelles sont les meilleures chances. » « Voici le programme, » répondit négligemment le chevalier en s'asseyant devant son miroir de toilette orné de rubans jonquilles et de billets doux placés au cadre d'or de sa glace pendant que Jasmin introduisait le perruquier. « Vous permettrez que M. Bruno me coiffe. Il a ses armes et je ne voudrais pas me faire avec lui une mauvaise querelle. » M. Bruno entra, saupoudré des pieds à la tête comme les merlans du jour. Il tenait d'une main le fer à toupet, de l'autre un superbe couteau d'ivoire. Jasmin lui arracha avec un dédain profond ses armes vulgaires et tira du nécessaire de son maître une magnifique spatule d'or, meuble habituel qui servait à ramasser la poudre sur le front du chevalier, pour l'étaler ensuite complaisamment vers le haut des tempes. « J'ai cru, monsieur le chevalier, que je n'arriverais jamais, » dit Bruno en débouchant plusieurs flacons dont il se versa voluptueusement l'essence dans les mains. Il n'est pas facile de marcher par les bouts en bas de soie et en souliers plats. Les rues qui avoisinent la vôtre sont pleines de peuple, les carreaux se roulent en tous sens. Et tu trouverais fort juste, faquin, que les perruquiers huissent carrosse? Je trouverais au moins fort juste que le coiffeur de M. Saint-Georges n'alla point à pied. Le maraud a de l'esprit, siffla entre ses dents M. Devannes. Mais en effet, continua-t-il en s'approchant de la fenêtre, dont il écarta les rideaux, il n'y a que voiture et coureur par votre rue, mon cher Saint-Georges. Si tout ce monde se porte à Vincennes, vous allez me dire pour qui je dois parier décidément. Pour Bruno ou pour Jasmin, à votre choix, mon cher Devannes. Ce sont les deux plus intrépides mecklembourgeois que je connaisse. Un peu lourd au départ, mais ne se laissant pas dépasser. « C'est vrai, » dit Bruno avec un mouvement de satisfaction ineffable. « C'est vrai, » dit Jasmin avec un soupir de douleur. « Pour ce qui est d'un service actif, » reprit alors Jasmin, « Monsieur le chevalier a raison de me poser comme un vrai cheval de race. Je ne conteste pas, Bruno, le titre de mecklembourgeois, mais je cours comme le fils de Rélaria, la jument du duc de Chartres. Tu feras croire au lieutenant que je veux t'exterminer. » Encore une année comme celle-ci, monsieur le chevalier, je serai fourbu, je vous le dis. Je ne serai pas capable de boutonner vos poignets de chemise ou vos fleurets. Il n'y a pas de jour que vous n'alliez au tir ou au concert, de sorte que je prends cette fois vos pistolets pour votre boîte à violon. Cette autre, la boîte à violon pour vos pistolets. Je porte 20 à 30 billets amoureux par jour, et vous en rapporte le double. En voici 15 ou 16 qui vous attendent encore là, sur ce plateau. Tous les quartiers vous sont bons. Et je vais d'ici jusqu'en dehors de la porte Saint-Honoré, et de la porte Saint-Honoré au Marais. Il faudrait être nègre, je veux dire coureur, reprit Jasmin, pour tenir à ce métier. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai cru que la veine de mes fatigues tarirait. Bast, vous m'envoyez dans la plaine des Sablons, pour un ancien piqueur du roi qui a la fièvre. J'ai gagné la sienne, rien qu'à courir, et je vous préviens que si une autre fois vous me donnez encore une poularde de reine à lui porter, il risque fort de ne pas la tordre et l'abaler. Des poulardes de reine, des poulardes rôties au feu des cuisines du duc d'Orléans pour ces gens-là. Fi, monsieur, fi donc, et un panier de vin de 6 bouteilles encore. Silence, monsieur Jasmin, ce piqueur vaut mieux que vous, qui n'êtes qu'un méchant ivrogne. Ce brave homme, continua-t-il en se tournant vers Devannes, m'a pris la trompe pendant 6 mois. C'est sourd. celui qui sonnait si bien au Saint-Hubert de Compiègne. « Monsieur le chevalier, » dit Jasmin avec un air de solennelle affliction, et qu'on m'oppressait de ce qu'il allait dire à Saint-Georges, « Monsieur le chevalier, j'ai un aveu à vous faire. » « Un aveu, monsieur Jasmin, parlez. Eh bien, il faut vous résoudre à me quitter, monsieur le chevalier. N'allez pas croire que ce soit par dégoût de ma condition, au moins, non. Ce que j'en ai dit tout à l'heure, c'est par boutade. Vous avez de bons moments. Mais, monsieur le chevalier, je me marie. » « Et qui épouses-tu, monsieur Jasmin ? » dit Saint-Georges, quelque peu surpris de cette retraite inattendue. « Mademoiselle Rosette, monsieur le chevalier, une repasseuse adorable du quai de Bercy. »« Rosette, qu'est-ce que cela ?»« Elle se dit la nièce d'un gentilhomme colon qui est mort aux îles et dont elle espère du bien. »« Vous êtes un imbécile, Jasmin, quelque petite fille qui se gosse de vous. »« Je ne pense pas, monsieur le chevalier. D'ailleurs, je ne déroge point. Elle va devenir pomponnière de madame de Blot. »« Peste ! Si elle copie sa maîtresse, elle sera bientôt réduite à rien. » « Vous savez, Devanne, » continua le chevalier, « voilà un an que pour se faire maigrir, la de Blot s'est mise au lait. Mais voyez donc comme cela tombe, » continua-t-il en ajustant une de ses boucles dans la glace, « moi qui cherche partout une éduque. Jamais, au grand jamais, ce Jasmin n'eût fait mon affaire. Nous avons pourtant passé 2 années ensemble. » Le valet de chambre sortait pour préparer la toilette de son ex-maître. Il entendit ses dernières paroles, et de son œil gauche déborda une larme de réserve, comme tout parfait valet de chambre doit en avoir une. Mais l'amour de Rosette lui tenait au cœur, Rosette, fleur virginale, qu'il voulait mettre en sûreté sous la serre chaude de l'hymen. C'est une chose fort à la mode qu'un éduc, reprit monsieur de Vannes. Ma tante, la comtesse de Grandécourt, vient d'en perdre un qu'elle n'eût pas cédé pour la rançon d'un roi. Mais n'avez-vous pas déjà une négresse, chevalier ? Saint-Georges parut troublé, il chiffonna plusieurs rubans avec précipitation et balbutia un « Je ne sais, parbleu, je viens de la voir s'abîmer comme une ombre noire dans un des cabinets attenant à votre pièce d'entrée. Il faisait petit jour chez vous, je n'ai pu distinguer si elle était belle ou non, mais je vous sais homme de goût. Vous me la ferez voir, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup les négresses. » La gêne de Saint-Georges à ce dernier mot devint si visible qu'il rompit les chiens subitement, et dit à Devanne, auquel il représenta le programme des courses. « Lieutenant, pour qui voulez-vous parier ? La première partie, vous le voyez, est entre Miss Musk au comte de Lauragais. Il revient de son exil exprès pour la faire courir. Son concurrent est Corner, un monsieur le comte d'Artois. Pariez pour ce dernier. « Si j'ose ouvrir un avis, » insinua doucement monsieur Bruno, en faisant ployer sous ses doigts un crochet rebelle, et en présentant à Saint-Georges son miroir de toilette. « Pariez, monsieur le lieutenant, pour monsieur le chevalier. Il a du bonheur, je ne vous dis que cela. » Et monsieur Bruno, par un coup d'œil subtil qu'il échangeait subtilement avec monsieur Devanne, lui indiquait une pile de louis sur un des coins de la cheminée. Cette somme n'avait pas encore tenté, il faut le croire, les nerfs olfactifs du lieutenant, car dès qu'il la vit, il courut les bras étendus vers elle et s'écria « Voilà, chevalier, une pyramide qui prouve en effet votre bonheur. Est-ce au jeu de son Altesse Sérénissime, le duc d'Orléans, que vous avez raflé pareil gain ? Pas le moins du monde, c'est un pari. Mon Dieu, oui, le banquier Duhamel, ce vieil avare. Il a, vous le savez, la fureur de postuler pour son neveu. J'ai parié que le duc d'Orléans lirait avant-hier à 8 heures un placet de ce jeune abbé, qui demande un bénéfice à Bar-sur-Aude, et que, ce qui est plus grave, il lui accorderait la place. Il devait y avoir séance de l'escamoteur Pinetti, le même qui a broyé l'autre soir, dans un mortier, la montre de monsieur le duc d'Orléans. Sans rien dire au prince de la pétition, j'ai prévenu Pinetti qu'il ne rendit point la montre à son Altesse, qu'elle n'eût signé pour le diable un acte annonçant sa soumission aveugle à ses arrêts. Vous pensez bien que cet acte, c'était la pétition de l'abbé. Aussi son Altesse n'a-t-elle pu s'empêcher de rire quand elle a vu que le diable lui avait fait signer un bénéfice. Duhamel a perdu et gagné tout à la fois. Il m'a envoyé cet or. Vous voyez que c'est un digne Turcaret. Et vous êtes, Saint-Georges, un véritable moncade. La petite maison de mademoiselle Dervieux n'a rien qui vaille votre luxe. vous faites de la musique avec des marquises, de l'esprit avec la Clos, et des armes avec la chevalière d'Éon. On vous veut, on vous désire, on vous craint. Les beaux de Trianon se meurent de vous. À propos, au milieu de tous vos flacons d'essence, n'avez-vous pas, mon cher, un cordial quelconque? Je suis sur les dents, étant venu de Versailles sans débrider. Jasmin, des biscuits et du vin des Canaries. Il y a, mon cher Devanne, un pâté de Périgueux à l'office. Je ne refuserai pas le Périgueux, dit le capitaine à Jasmin, qui apporta un guéridon tout dressé. Servi à la baguette, reprit Devanne avec cet air de flagornerie qui lui était habituel. Savez-vous, mon cher Saint-Georges, qu'indépendamment de votre supériorité dans tout ce qui est exercice, vous êtes l'Américain, le créole le plus heureux de Paris? Ce titre de créole, auquel Saint-Georges tenait prodigieusement, répandit un rayon d'épanouissement sur sa figure. Vous devez avoir beaucoup d'amis, autant que de femmes, si le ciel est juste, continua Devanne. Pour les femmes, mon cher, vous pourriez ne pas vous tromper, j'ai fait mes preuves. Le boudoir est cependant plus glissant parfois que la salle d'armes. Témoin, cette lettre que j'ouvre, et qui est parbleu de Vestri, le dieu de la danse. Ne m'interdit-il pas d'aller sur ses brisées près de ses écolières, grande dame ou danseuse? Ce sera depuis ma rencontre chez la Guimard, rencontre admirable, en vérité, où M. Vestris m'a trouvé, sa propre pochette en main, lui montrant un pas créole. Comprenez-vous qu'elle a dû être sa fureur? Je supplantais le dieu avec son arc et ses javelots. Il y avait de quoi l'irriter. Je le crois, d'autant que je maltraitais fort sa pochette et que je prenais un malin plaisir à lui essouffler sa danseuse. Il répétait toujours « Ménagez-la !» Je n'écoutais pas. Vous eussiez bien ri de le voir gesticuler avec ses bras de faune, me redemandant sa pochette et son élève par tous les dieux du Styx et de l'Opéra. Je crois en vérité que son titre de professeur méconnu lui avait monté la tête, car il m'a fallu presque me fâcher pour le mettre à la raison. N'importe, chevalier, n'espérez pas qu'il vous pardonne, dit Devanne la bouche pleine. Sa lettre doit être celle d'un danseur capable de tout. Capable du moins d'estropier l'orthographe. Il écrit danse avec un C. Voyez, Bruno, reprit Saint-Georges, voici un autographe de Vestris pour en faire des papillotes. Monsieur le chevalier n'y a pas pris garde, assurément, dit Bruno. Il y a une seconde page derrière la première. Il a le coup d'œil fin, ce Bruno. C'est parbleu vrai. Voyons. Une invitation amoureuse de la Guimard. Et sur le papier de Vestris, son amant, quelle irrévérence. Vous avez raison, ajouta Devanne, après avoir parcouru la lettre. Elle vous demande de porter aux courses de Vincennes une fleur d'oranger à votre boutonnière. Vous la lui remettrez ce soir dans les coulisses. D'abord, je ne puis aller ce soir à l'opéra. Puis la fleur d'oranger n'a rien de commun avec les danseuses. J'ai promis d'ailleurs cette rose mousse à quelqu'un. Il porta la main vers une tasse de vieux sèvres reposant sur le petit guéridon près de sa toilette. La rose mousse couronnait la tasse que venait d'apporter le valet de chambre quelques secondes avant. « Bien, dit le chevalier, Jasmin, puisque tu es encore aujourd'hui à mon service, habille-moi, Monsieur Bruno a fini. » Monsieur Bruno avait terminé en effet son échafaudage plâtré. Il contemplait son œuvre avec l'orgueil d'un artiste et il en avait le droit. Monsieur Bruno était un des meilleurs perruquiers de Paris. Il précédait Gardanne. Saint-Georges l'avait mis à la mode un peu de temps. Le chevalier sortit de dessous la houppe de Monsieur Bruno avec un masque blanc sur le visage. Il l'essuya avec un linge fin et parfumé, répandit sur son cou nu un extrait particulier. Cela fait, il passa plusieurs bagues à ses doigts et regarda avec complaisance ses dents qu'il avait fort belles. Madame de Genlis disait de ses dents que c'étaient deux rangées de perles sur du velours noir. « Ah ça, monsieur Jasmin, c'est donc aujourd'hui la petite poste, » reprit-il, en trouvant encore une lettre qui avait glissé sous le plateau d'argent de sa toilette. « Ce poulet-ci est parbleu d'un nouveau genre. Voyez donc, Devanne, vous qui êtes mon lecteur. Pour moi, je suis tenu par l'heure et par Jasmin, qui me passe ma veste. » « Voilà une curieuse lettre, » fit le lieutenant en la retournant dans tous les sens. Elle est cachetée avec de la mie de pain. Vous pouvez la déchiffrer ? Pas encore. Ce sera, chevalier, quelque pauvre fille innocente, comme la rosette de Monsieur Jasmin, votre balai. Elle implore sans doute votre protection. Comment oses-tu, Marot, recevoir des lettres pareilles ? Dit Saint-Georges à Jasmin en jetant un coup d'œil sur le papier torchon de l'épître. La demande est divine, adorable, chevalier. C'est un placé dans les règles. Un homme ruiné qui vous sollicite pour rentrer chez vous à titre d'intendant ou de domestique, tout lui va. Il prétend vous avoir connu tout enfant aux colonies, quelque intrigant. Cependant, à sa lettre, je suis tenté de le croire un imbécile. C'est juste ce qu'il faut pour être éduque, dit Saint-Georges. Nous autres créoles, continua-t-il en jetant sur Devanne un regard d'assurance, nous autres créoles, nous étonnons les femmes de Paris par je ne sais quoi de grand et de somptueux qu'elles nous supposent. En voici une, il donnait à Devanne une lettre ouverte, qui me demande 100 louis et me prie ensuite de l'oublier. Le terme est joli. La malheureuse ignore sans doute que je fais graver en ce moment des concertos qui me coûtent des frais. Et dont chacun parle, mon cher Saint-Georges. Devanne se versait alors une rasade de vin des Canaries. Ainsi que de l'opéra que vous composez avec Laclos. Le colonel Despache, qui l'a entendu à Sainte-Assise, en a fait un éloge pompeux à Versailles. Des Maillot et Chabanon se feraient tuer plutôt que de douter d'un succès à la comédie italienne. Pour moi, j'ai manqué de cravacher il y a 10 jours au Café des Arts, à Paris, le chevalier de la Morlière, ce bailleur entêté, que l'on voit se détraquer la mâchoire à tous les spectacles. Imaginez-vous qu'il vous niait le mérite de sentir Haydn, à vous, qui avez fait connaître le premier en France ses symphonies. Le chevalier de la Morlière peut nier ma science musicale tant qu'il me plaira, mais il ne niera pas que je ne l'y ai boutonné 10 fois, il y a 8 jours, devant Monsieur le comte d'Olcy, à la salle d'armes. Depuis mon aventure du boisseau de fleuret avec lui. Ah, contez-moi cela, chevalier, s'écria M. Devanne en se rapprochant cauteleusement de la cheminée où était la pile de louis. Je le hais à mort. N'ose-t-il pas insinuer que je triche au jeu ? Je lui fais dire qu'un lieutenant de dragons, réintégré comme moi dans son corps depuis 2 ans, ne trichait pas du moins à l'espadon, et je l'attends. Mais contez-moi le fait. J'en profiterai en temps et lieu. Le carrosse de Madame la Marquise de Montesson est dans la cour, annonça Jasmin du pas de la porte, qui l'entr'ouvrit. Ces dames attendent Monsieur le Chevalier. Allons, me voilà donc obligé de renoncer à l'histoire du boisseau de fleuret, dit Monsieur Devanne avec un air de regret affecté. Il prit son casque, qu'il avait posé sur la cheminée. Ce mouvement fit rouler à terre quelques pièces d'or. Monsieur Devanne se baissa officieusement. Ramasse ces pièces, Jasmin. Capitaine, ne vous courbez donc pas. Il y a là 100 louis. Encore une fois, mon cher Devanne, vous m'excusez, mais je suis avec des dames. Puisque vous allez aux courses et que vous êtes curieux de parier, pariez pour corner à Monsieur le comte d'Artois. Saint-Georges roulait déjà dans un carrosse aux armes de la maison d'Orléans, que M. Devanne, la main serrée contre le gousset de sa sombre veste, répétait en frôlant le mur qui menait au tripot de l'hôtel d'Angleterre. « C'est cela, mulâtre. Crois, et fais croire que je vais parier aux courses de Vincennes. Tu ignores que de ce pas je me rends à mon enfer accoutumé. Je vais faire suer sur le tapis les pièces d'or, ce métal jaune comme toi. » Il s'écria, en franchissant le seuil du tripot. « Allons, mes éloges à l'idole du jour m'auront du moins rapporté. J'ai bien fait de me baisser. Jasmin n'en dira rien. Il quitte son maître. L'or du mulâtre va sauter. »